Tant que le baron Hulot d'Hervy fut bel homme, les amourettes n'eurent aucune influence sur sa fortune. Mais à 50 ans, il fallut compter avec les grâces. À cet âge, l'amour chez les vieux hommes se change en vice. Il s'y mène des vanités insensées. Aussi, vers ce temps, Adeline vit-elle son mari devenu d'une exigence incroyable pour sa toilette, se teignant les cheveux et les favoris, portant des ceintures et des corsets. Il voulut rester beau à tout prix. Ce culte pour sa personne, défaut qu'il poursuivait jadis de ses railleries, il le poussa jusqu'à la minutie. Enfin, Adeline s'aperçut que le pactole qui coulait chez les maîtresses du baron prenait sa source chez elle. Depuis 8 ans, une fortune considérable avait été dissipée, et si radicalement que lors de l'établissement du jeune Hulot, 2 ans auparavant, le baron avait été forcé d'avouer à sa femme que ses traitements constituaient toute leur fortune. « Où cela nous mènera-t-il ? » fut la réponse d'Adeline. « Sois tranquille, » reprit le conseiller d'État. « Je vous laisse les émoluments de ma place et je pourvoirai à l'établissement d'Hortense et à notre avenir en faisant des affaires. » La foi profonde de cette femme dans la puissance et la haute valeur, dans les capacités et le caractère de son mari, avait calmé cette inquiétude momentanée.